J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin au pays des cigales, la folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles. Où ça?